premier temps d'une nouvelle semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire de l'Empire Ottoman, alors que les élections d'hier ont vu une drôle de victoire-défaite du président turc Erdogan, alors qu'il avait justement mis toute sa campagne en œuvre autour des thèmes du sultanat et de l'Empire Ottoman. Mais comme tous les lundis, nous commençons par un livre tout juste paru, celui de l'historien Timothy Brook, qui a connu un succès mondial avec Le Chapeau de Vermeer et qui était en France à l'occasion de la parution chez Payot, c'était il y a quelques semaines, de son dernier ouvrage, La carte perdue de John Selden, une carte datant du XVIIe siècle et décrivant les côtes de la Chine perdues et retrouvées dans les fonds de la bibliothèque Bodléiane d'Oxford, l'occasion pour l'historien de nous plonger brillamment dans les échanges entre Europe et Extrême-Orient au début du XVIIe siècle. Puis, en deuxième partie, nous aurons le plaisir de recevoir avec Perrine Kervran, l'historienne de l'art Christine Peltre, spécialiste de l'histoire de l'orientalisme, qui a publié, qui publie et qui commente aux éditions Bleu Autour une collection de cartes postales représentant des femmes ottomanes et des dames turques. Une façon pour Christine Peltre de distinguer dans ses représentations occidentales des femmes de cet empire, ce qui tient des clichés orientalistes et de l'ethnographie naissante. La Chine et l'Empire ottoman sont au programme ce matin de la Fabrique de l'Histoire. Timothy Brook, bonjour. Bonjour. Et merci de passer par la Fabrique de l'Histoire lors d'un passage à Paris pour évoquer la carte perdue de John Selden, le dernier livre traduit de vous, donc dans la collection Histoire chez Payot. On vous connaît en particulier pour Le Chapeau de Vermeer, donc formidable livre qui travaillait sur le XVIIe siècle et qui nous expliquait le XVIIe siècle à partir des tableaux de Vermeer et des objets que l'on trouvait dans ces tableaux de Vermeer, qui a été un grand succès de librairie un peu partout dans le monde. Et vous réitérez, vous recommencez votre travail sur le XVIIe siècle à partir d'une carte perdue justement et retrouvée par un conservateur de bibliothèque à Oxford, dans la Bodléiane Library, donc qui appartenait à John Selden. John Selden, que peu de gens connaissent, sinon quelques juristes. Et vous tentez, dans ce livre, de nous expliquer l'immense brassage de population, de marchandises, qui parcourt le monde au XVIIe siècle, justement, entre le début et la fin du XVIIe siècle, entre l'Asie, qui vient d'être ouverte au commerce, oui, et l'Europe, à travers, oui, cette histoire de cartes. D'abord, un chiffre peut-être pour représenter à nos auditeurs ce qu'a été cette mondialisation du commerce. Oui. Vous dites à un moment dans votre livre qu'il y a peut-être plus de 10 000 bateaux, oui, qui circulent sur les mers du monde, oui, à ce moment-là, c'est-à-dire aux environs de 1620-1630. Est-ce qu'on est vraiment sûr de ce chiffre-là? C'est un chiffre hypothétique, mais je pense que ça peut représenter l'immense scale de l'échelle. L'échelle du commerce global à ce moment-là. Et pour nous, à l'ouest, nous pensons que les navires sont tous les navires européens, mais, ouais, en fait, la plupart des navires sont les navires de l'Asie. Navires chinois, navires japonais, navires malaisiens, et aussi les navires de l'Inde. Oui, c'est très étonnant. Vous racontez à un moment qu'un des personnages de votre livre, qui est un navigateur hors pair, que vous décrivez dans ce livre et qui est peut-être celui qui a ramené la carte de John Selden jusqu'en Angleterre. Donc, que ce navigateur qui s'appelle John Saris, oui, en redescendant du Japon, croise à la sortie d'une rivière, je crois que c'est la rivière des Perles ou d'une autre des rivières du Japon, de Chine, il croise une sorte d'armada, oui, de jonques, oui, et ce ne sont que des marins qui vont pêcher, oui, et il y a plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de bateaux qui sont, oui, en train de sortir, oui, de cette rivière pour aller pêcher en haute mer. Et c'est évidemment une image très frappante que l'on n'imagine pas comme étant une image du XVIIe siècle du, oui, côté, oui, de la mer de Chine. Oui, on imagine que la Chine est complètement fermée derrière la muraille grande et que les Chinois ne vont pas sur la mer. Mais en fait, il y en a beaucoup de Chinois. Ce qui est très impressionnant, c'est que vous nous décrivez une mer de Chine méridionale et à la fois le lieu où arrivent les bateaux japonais, les bateaux chinois, les bateaux malais, les bateaux indiens, les bateaux arabes, les bateaux européens, hollandais, portugais et finalement les bateaux anglais qui tentent de se faire une petite place dans cette immense noria de bateaux. Oui, je trouve que l'histoire des navires anglais sont très intéressantes parce que les Portugais y étaient, et aussi les Hollandais. Les Anglais, au commencement du XVIIe siècle, veulent trouver des places pour faire du commerce, et c'est très difficile. Alors, ils ont écrit des lettres, des journaux qui expriment les difficultés qu'ils ont trouvées contre les Portugais et les Hollandais. Et en train de donner ses descriptions, il expose des éléments très fascinants pour l'historien, comment les Chinois et les Japonais et les autres faire du commerce. Oui, parce que, évidemment, ces Anglais sont les derniers arrivés au tout début du XVIIe siècle. Vous nous racontez une série d'échecs. D'une certaine façon, ce navigateur envoyé par la compagnie, qui doit gérer justement cette partie du monde pour le commerce britannique, eh bien, ce navigateur va aller d'échec en échec. Il va arriver à un endroit, il va trouver des Hollandais qui vont l'empêcher de faire du commerce, et puis il va repartir un peu plus loin, etc., etc. Timothy Brooke. Oui, la raison pourquoi John Serres était là était parce que en Europe, en 1609, Grotius, le juriste hollandais, a écrit un livre avec le titre La mer libre. Ouais. Et les Anglais veulent vraiment que la mer doit être libre en Asie. Et en réalité, les Hollandais ne veulent pas que les Anglais sont là. La mer est fermée. Ouais. Ce Grotius, donc de Groot, donc de son nom hollandais, jeune juriste hyper brillant que vous décrivez dans votre livre, Timothy Brooke. Ce Grotius donc dit la mer doit être libre. Oui, et John Selden, qui lui aussi est un juriste très brillant anglais, dit non. La mer peut être une mer fermée. Et en particulier cette mer de Chine, peut appartenir à quelqu'un. Comme d'ailleurs, du côté de l'Écosse, on pourrait vous interdire l'accès aux harengs que vous venez pêcher sur nos côtes, alors que vous n'avez pas le droit. C'est très intéressant de s'intéresser à cette question du droit, comme vous le faites, Timothy Brooke. John Selden, il croyait que les chefs locaux en Asie ont le droit de dire « entrez dans le port ou n'entre pas ». Et les Hollandais, qui sont à ce temps-là peut-être plus impérialistes que les Anglais, ça va changer plus tard. Ça va changer plus tard. Mais les Hollandais ont dit nous avons des contrats avec les producteurs des épices et les autres ne peuvent pas entrer dans ce commerce. Pour John Selden, c'est important de décider quelle sorte de droit international peut s'appliquer. S'applique dans ces circonstances. À ce temps-là, il n'y a pas de droit international. Il n'y a pas de loi maritime. Oui, il n'y a pas l'ONU, il n'y a pas toutes les organisations internationales comme on a aujourd'hui. Alors, c'est De Groot et Selden qui a lutté sur la question et cette controversie. Tout le monde demande comment est-ce qu'on va développer une loi maritime. Oui. Et on comprend que De Groot parle pour les intérêts hollandais et que Selden parle pour les intérêts anglais. Oui. Les deux hommes étaient très intelligents et Et lors de ces, les politiques de cette question, et ils veulent vraiment développer une loi... internationale. Oui, internationale à ce temps, oui. Alors, évidemment, la question que vous posez, Timothy Brook, c'est la question de ce que l'on découvre dans ce début de XVIIe siècle. Ce que ces Anglais, donc dont John Selden fait partie, découvrent et quelle est leur connaissance du monde. Ce qui est formidable dans votre livre, il faut le dire, c'est que on y apprend des choses sur les conflits autour de la pêche au hareng. Ouais. On y apprend des choses sur les conflits dans les mers de Chine méridionale autour de la conquête ou non des épices. On y apprend des choses sur la christianisation, puisque on découvre un personnage que vous nous décrivez qui est le premier Chinois à venir du côté de la cour britannique, oui, oui, et qui va participer au processus de traduction. Et vous êtes pleinement, comme vous l'étiez dans le chapeau de Vermeer, dans ce mouvement des historiens d'aujourd'hui qui travaille sur la relation. Oui, j'aime beaucoup découvrir les relations entre gens, parce que ce n'est pas le cas que les Anglais se lient seulement avec d'autres Anglais. Tout le monde est en circulation dans cette, pas tout le monde, mais beaucoup de gens, oui, étaient en circulation. Et il n'y a pas de règles pour déterminer les relations vont développer. Alors, que vont développer un commerçant, oui, un militaire, un marin? C'est tout en train de... De bouger. Oui, oui. C'est ça qui est extraordinaire. Par exemple, prenons l'exemple de Michael Chen Fuzong. Donc, oui. C'est un fils de médecin de Nanjing, donc, oui, qui est un disciple d'un missionnaire jésuite belge, oui, qui s'appelle Philippe Couplet, qui va venir en Europe et qui, à partir de ce moment-là, va être une sorte d'attraction. Premier Chinois à arriver à la, oui, cour, en particulier à la cour d'Angleterre, mais qui aussi, va aussi... Louis XIV. Voilà, aussi. De Louis XIV, vous le racontez aussi, qui va être très, très ému de le voir arriver, mais... Oui. Aussi, qui va participer à une entreprise de connaissance, oui, oui, puisque le directeur de la librairie d'Oxford va lui dire, la bibliothèque d'Oxford va lui dire, mais j'ai des documents, mais je ne sais pas ce qu'ils sont. Oui, est-ce que vous, oui, pouvez m'aider à les comprendre, à les traduire? Puisque ce que vous racontez aussi, c'est cette immense soif de connaissance, oui, oui, qu'ont les savants de l'époque, qui récupèrent sur des marchés en Asie des livres, qui les ramènent sans même savoir ce qu'ils racontent, et qui les entassent dans une bibliothèque en attendant que quelqu'un, oui, puisse les lire, Timothy Brook. C'est un âge de grand doute, je pense. Les fondations de la société, tout est en question à ce temps-là. Les fondations classiques, les fondations bibliques... était mettre en question par les découvertes du monde. Alors il faut trouver et collectionner les documents, les livres, les cartes pour commencer à reconstruire la fondation de la société humaine. Et d'un nouveau savoir aussi. Oui, oui, oui. Ce que vous nous racontez aussi, que je ne savais pas du tout et que vous développez, c'est par exemple que ce début de XVIIe siècle est fasciné par la Chine. Oui. Mais c'est pas simplement l'Angleterre qui est fascinée par la Chine, c'est également, oui, oui, oui, la France, oui, fascinée par la Chine, parce qu'on y voit une civilisation, parce qu'on y imagine un empire puissant qui d'une certaine façon font penser à des histoires européennes. Oui. Et donc il y a un moment pendant lequel ces instruits, ces savants de l'époque vont collecter tout ce qu'ils peuvent savoir, essayer d'apprendre le chinois, oui, et, oui, toutes les langues asiatiques, oui, pour pouvoir mieux connaître ce monde-là. Mais ce que vous nous dites aussi, c'est que ça va pas durer. C'est que quelques dizaines d'années plus tard, ça va tomber dans la chinoiserie, ce qu'on appelle, oui, la chinoiserie, oui, en français, une, oui, sorte d'exotisme, et que, oui, ce, oui, goût pour le savoir va se transformer en décor, pourrait-on dire. Oui, et pour simplifier, je pense que c'est une question de pouvoir. Au commencement du XVIIe siècle, l'Europe et la Chine sont presque égales en pouvoir économique et en capacité militaire. XVIIIe siècle, c'est une complètement autre chose. Et avec ce changement, l'idée de la Chine impériale est complètement bouleversée. La Chine est un endroit très backward. et l'Europe, c'est dans l'avance de l'histoire. Et à mon avis, particulièrement la technologie militaire, ça a détruit la balance entre les deux fins de l'Euro-Asie. Oui. Vous nous décrivez donc cet intérêt pour la Chine qui se transforme en une sorte de désintérêt à la fin du XVIIe siècle, mais vous nous décrivez aussi cette soif de savoir, cette soif de connaissance, et au bout du compte, il y a tout de même cette carte. Oui. Alors cette carte, découverte dans un sous-sol de la Bodleian Library d'Oxford, par quelqu'un qui vous la montre, et ça fait un point de départ, vous qui êtes sinologue, spécialiste de la Chine, à ce livre. Oui, la carte m'a bouleversé la première fois que je l'ai vue, parce que dans l'histoire de la cartographie, la première règle, c'est que chaque carte est une copie d'une autre carte. Mmh. Mais cette carte-là, ce n'est pas une copie de rien. La tradition chinoise n'avait pas eu cette sorte de carte. C'est une carte complètement unique. C'est une carte un peu mixte, dites-vous. Oui, il y a les influences, et peut-être les influences européennes, c'est difficile à éprouver. Il y a certainement des influences chinoises, mais la méthode de construction, c'est complètement différent des cartes chinoises et aussi des cartes européennes. C'est une création extraordinaire parce que le cartographe ne commençait pas avec la terre, il commençait avec la mer. C'est une carte de mer, c'est pas une carte de terre. Donc ça peut pas être une carte terrestre de l'Empire de Chine. Oui. Et c'est là qu'au fur et à mesure, vous y réfléchissez en discutant avec vos amis qui sont spécialistes de cartographie. Et vous vous dites non, c'est une carte de la mer de Chine. Exactement. Et des routes commerciales qui traversent cette mer de Chine, Timothy Brooke. Et ça bouleverse notre perspective sur la Chine au XVIIe siècle. Parce que la Chine n'est pas seulement la Chine terrestre, c'est aussi la Chine maritime. Que nous pouvons voir sur cette carte. Oui, alors que les historiens pensent que cette période est une période de repli, pendant laquelle l'Empire chinois n'a pas l'intention justement d'aller conquérir des territoires au-delà des mers. Oui. Vous dites, mais oui, mais il y a les commerçants chinois. Oui, oui. Alors la Chine n'a pas le désir de faire la conquête de l'Asie, mais les Chinois veulent faire du commerce et cette situation a créé peut-être deux idées de la Chine à ce temps-là. La Chine fermée et une Chine ouverte. Et c'est la Chine ouverte qui m'intéresse. Oui, et ça n'est pas forcément la même Chine. Ce n'est pas une Chine de l'administration chinoise, oui. Mais c'est une Chine des Chinois. Oui, la Chine des Chinois, pas la Chine du trône de la dynastie des Ming. Oui. Et ce qui permet aussi, d'une certaine façon, de réfléchir à aujourd'hui. Et on voit bien que vous faites toujours plus ou moins l'aller-retour avec aujourd'hui, que les conflits sur les îles Paracels ou les îles Spratley sont au cœur aussi de cette réflexion, parce que on pense toujours à une Chine conquérante qui serait en train de vouloir mettre la main sur la mer de Chine, mais c'est plus simple, il y a la Chine encore aujourd'hui de l'État chinois et il y a la Chine des commerçants chinois et cette Chine-là, ces deux Chines-là ne sont pas forcément ne marchent pas forcément à la même vitesse. Mais la Chine d'aujourd'hui et la Chine du passé, les deux Chines ont des différences et une différence importante, c'est que la Chine aujourd'hui, le pouvoir d'État et les désirs des agents de commerce sont liés maintenant. Et dans la dynastie des Ming, ils sont séparés. Séparés, oui. Alors, venons-en à votre type de travail? Parce que ce qui est très étonnant dans votre travail, Timothy Brook, c'est la façon dont vous travaillez par hypothèse. Tous les historiens font des hypothèses. Oui. Mais vous, vous mettez les hypothèses au cœur de votre livre. Vous dites, c'est probablement ceci. Ça pourrait être cela. Je pense que c'est ceci. Vous parlez donc à la première personne. Ce que certains historiens ne veulent pas faire habituellement. Vous, vous vous mettez en scène d'une certaine façon en disant, j'avance une hypothèse. Ça n'est peut-être pas la bonne. Et d'ailleurs, à un endroit, à un passage du livre, vous expliquez qu'entre la première édition et la seconde édition, vous avez changé d'avis parce que un de vos lecteurs vous a dit que vous étiez trompé. Donc vous mettez en œuvre, vous mettez en scène même le processus de la recherche, Timothy Brook. Oui. Je veux que mon public apprenne un peu de l'histoire de la Chine, mais je préfère qu'il apprenne comment on doit penser sur les questions historiques. L'histoire n'est pas une série fixe des événements. C'est une relation entre nous aujourd'hui et ce qui s'est passé. Le sens d'histoire, ça c'est plus important que les histoires que je raconte. Je pense. Oui, c'est-à-dire la façon dont on doit... L'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez devant un document comme la carte perdue de John Selden, le type de questions que vous vous posez, le type de questions que vous posez à vos amis qui sont spécialistes de navigation maritime ou d'autres sujets, la façon dont vous racontez l'histoire correspond à la façon dont vous faites face, vous positionnez dans le monde d'aujourd'hui. Oui. Parce que l'histoire de 17e siècle est encore présente aujourd'hui. Et il faut que nous, si nous ne comprenons pas cette relation, c'est impossible de analyser le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, je pense. Vous avez de très belles phrases et qui sont d'ailleurs, il faut rendre hommage à votre traducteur, traductrice Odile Demange, qui traduit votre ouvrage. Vous dites par exemple, en conclusion ou presque en conclusion de votre livre, dans un premier temps, l'arrivée de ces nouvelles connaissances ne change à rien. Le monde en fut simplement plus rempli. Ouais. Et c'est presque une vision physique d'un monde qui est un peu vide, avec ces cartes qui ont des grands trous, des grands blancs sur la carte, et qu'on finit par remplir au bout du compte. Oui, et peut-être j'ai peur que le monde devient plus en plus vide, et il faut que nous remplissions le monde avec une connaissance qui nous aide à confronter les difficultés du monde d'aujourd'hui. Oui. Alors, il y a des formidables portraits de personnages. On a cité De Groot, de Grotius, on a cité évidemment John Selden. Mais il y a beaucoup, une foultitude de second rôles. On pourrait s'arrêter sur certains d'entre eux, ses frères Lee qui lui promettent l'ouverture du marché chinois et ces figures de ces deux frères chinois. Ces personnages-là sont des personnages que vous rendez vivants. Cette documentation sur laquelle vous vous fondez pour les rendre vivants, ces frères Lee dont vous nous faites le portrait par exemple, cette documentation, vous la trouvez où? Comment la trouvez-vous? La documentation, c'est la plus difficile problème que j'avais eu quand j'ai écrit ce livre. Il est ici, il était là, des manuscrits à la bibliothèque. Il n'y a pas une source pour ce livre, il y a beaucoup de sources. Et vous décrivez surtout des gens des personnages qui sont des personnages qui ne sont pas parfaits. Aucun d'entre eux n'est un personnage parfait. Oui. De Groot, que tout le monde considère comme un personnage extraordinaire, très jeune, brillant, juriste, qui invente ce concept de la mer libre, donc pour les intérêts des marchands hollandais, par exemple. Ce De Groot, vous expliquez aussi qu'à un moment, il ment. Il est juriste, mais il doit défendre les marchands hollandais, alors qu'il dit, il jure partout qu'il doit respecter la vérité, il ment. Mais dans l'histoire, comme dans le monde d'aujourd'hui, les héros sont très peu. Ils sont très rares. Oui. Et il n'y a pas de héros dans ce livre. S'il y a un héros, c'est peut-être John Selden. Ouais. Mais je m'intéresse beaucoup parce qu'il a participé à la création et la théorie de la Constitution en Angleterre, très importante. So, peut-être il est un héros, mais pas trop. On peut terminer sur une chose, c'est qu'à un endroit, vous dites que ces histoires ont déjà été racontées par d'autres, pour certaines d'entre elles, ouais. Et qu'au fil des siècles, les lecteurs se sont délectés des aventures de ce capitaine John Saris, mmh. Dont on parlait tout à l'heure, du directeur de Factory Richard Cox, dont ouais. on parlait à l'instant, du pilote anglais naufragé Will Adams. Estimant que l'histoire d'Adams faisait un bon sujet de roman, James Clavin écrivit Shogun, ouais. un chef-d'œuvre, ouais. enfin en tout cas un livre qui s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires dans le monde. Ouais. Et les historiens se sont montrés moins généreux à propos de l'œuvre concrète de ces aventuriers. En fait, vous tentez, vous, de faire un travail d'histoire qui se lit de façon presque aussi importante en nombre que Shogun de James Clavell. Mmh. Et c'est ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire sauter les barrières, justement, entre histoire, fiction, pour pouvoir faire en sorte que vos lecteurs... puissent mieux comprendre ce qu'était la mondialisation du XVIIe siècle. Je pense que je tâche à réinventer, à recommencer avec l'histoire. Et si j'emploie des méthodes pas fictives, mais avec une force narrative, c'est parce que je pense que l'histoire est très importante et il faut recommencer avec l'histoire que nous lisons et que moi-même écris. C'est-à-dire que, arrêtons-nous sur cette question pour finir notre entretien, Timothy Brooke. C'est très intéressant, on voit bien que les historiens en France, par exemple, se posent la question de la fiction aujourd'hui. Oui. Ils veulent aller jusqu'à la limite possible de la fiction en se disant... Je ne vais pas aller jusqu'à écrire de la fiction, mais oui. je vais aller au plus loin possible de ce qui est probable, possible, d'après les documents que je possède. C'est ce que vous voulez faire aussi, Timothy Brooke? Pas exactement. Je veux que les documents originaux étaient dans la chambre quand je raconte ces histoires. Je ne veux pas... partir complètement de la réalité. C'est ça. Ouais. Et c'est aussi une question de confiance par rapport à vos lecteurs. Quand ils vous lisent, ils savent qu'ils lisent le travail d'un historien, d'un sinologue et pas d'un romancier. Et vous voulez que ça soit toujours comme ça? Oui, oui, toujours comme ça. Parce que ce que je veux donner aux lecteurs, c'est un sens... personnel de l'histoire, mais pas une sens fictive de l'histoire. Merci de cette leçon et de votre travail. Et je conseille évidemment à nos lecteurs de lire non seulement, s'ils ne l'avaient pas lu, eh bien le chapeau de Vermeer qu'on trouve aux éditions Payot, mais également cette carte perdue de John Selden qui poursuit votre entreprise justement d'historien tentant de faire de la narrative, comme vous dites, de faire du récit pour... attirer plus de lecteurs et faire comprendre au mieux ce qu'était le XVIIe siècle dans ces bouleversements des échanges entre l'Europe et l'Asie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. France Culture, vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Bonjour Perrine Quervran. Bonjour. Et bonjour à vous Christine Peltre et merci d'être notre invitée pour cette deuxième partie de cette émission de lundi. Bonjour. Puisque vous ouvrez notre semaine ottomane, pourrait-on dire. Hier, on l'a dit, eh bien, le président Erdogan a connu à la fois une victoire, mais une victoire qui n'était pas suffisante pour garder la majorité absolue et qui, donc, pour beaucoup, cette victoire est considérée comme une presque défaite, ce qui est assez étrange quand on reçoit 40% des voix. Mais néanmoins, cette campagne du président Erdogan était très marqué par l'idée du sultanat, par l'idée de retour à l'Empire ottoman. Et ça fait partie des discours très nombreux qui ont été prononcés pendant cette campagne. Ça nous a donné l'idée, avec Perrine Quervran, de faire une semaine autour de cette question de l'Empire ottoman. Et vous l'ouvrez avec nous, avec votre livre paru aux éditions Bleu Autour, avec une postface de Lizzie B. Moharas. femmes ottomanes et dames turques à partir d'une collection de cartes postales, disons occidentales, traitant de l'Empire ottoman entre 1870 et 1920-1930, c'est cela ? Voilà, tout à fait. Il s'agit d'une de la collection de Pierre de Gigord, dont le nom est bien connu pour tous ceux qui s'intéressent à l'Empire ottoman, parce qu'il prête très souvent des documents pour des expositions. Qui est un collectionneur, donc un grand collectionneur, et de cartes postales, entre autres. De cartes postales, entre autres, et surtout de photographies. Mmh. Et il a commencé par collectionner la peinture orientaliste. Mmh. Et s'est pris de passion pour la Turquie à l'occasion d'un séjour qu'il a fait à Istanbul, le premier en 1964. Et il a été initié à l'histoire de l'Empire ottoman par quelqu'un de sa famille. Sur place. Donc, voilà, sur place. Et donc, vous avez, en tant qu'historienne de l'art, spécialiste de l'orientalisme, vous êtes plongée dans cette collection pour en tirer ce livre qui nous raconte un moment très particulier. C'est un moment à la fois d'occidentalisation de l'Empire ottoman, puisque à Pera, à l'époque, le Pera Palace était un lieu où se retrouvaient toutes les élites occidentales dans cette pointe de l'Asie qui était donc Istanbul. Et puis, et c'est aussi un moment où on commence à faire de l'ethnographie sur ces immenses populations, cet immense territoire de l'Empire ottoman. Oui, donc le mouvement d'occidentalisation de l'Empire ottoman, qui commence avec le mouvement qu'on appelle le Tanzimat, donc les réformes à partir de 1839, se poursuit et on en voit les traces ici avec cette espèce d'aboutissement du visage de la femme dans les années 20. Et comme l'indique la couverture, qui date donc de 1923, et en même temps, on voit, on assiste ici au développement de l'ethnographie, de la recension des différences culturelles qui sont donc apparentes sur les cartes. Périne Caron. Oui, parce que finalement, ce livre aussi, Christine Peltre, c'est une manière de faire l'histoire de la carte postale. Alors là, on prend l'exemple de ces femmes ottomanes, effectivement, mais c'est vrai que ça s'inscrit dans un mouvement plus général de l'apparition de la carte postale, de la façon dont les gens s'en emparent et de comment elle est utilisée. Oui, elle apparaît à la fin du 19e siècle, autour de 1870. Et elle montre aussi l'importance de la photographie dans l'Empire ottoman, puisque beaucoup de cartes postales ici sont en fait des photographies. Nous en avons identifié certaines, mais pas toutes. Il faut rappeler l'importance des ateliers de photographie de Pascal Seba, des frères Abdullah. Par exemple. Et les frères Sarifian à Beyrouth, par exemple, un peu voilà, plus tard. Voilà, donc dans tout ce qu'on appelait l'Orient. Et la carte postale se développe aussi avec les expositions universelles. Elle se développe également avec le goût de l'ethnographie qui est institutionnalisé avec, en France, l'ouverture du musée d'ethnographie du Trocadéro en 1878. Donc il y a une convergence d'intérêts pour le développement de ce regard presque scientifique, mais qui est préparé déjà par le travail des dessinateurs et des peintres, déjà à l'occasion de l'exposition de 1855, universelle, un peintre comme Valerio a représenté des types que l'on retrouve après sur les cartes postales. Mais lui, il travaillait à l'aquarelle. C'est d'ailleurs très passionnant, quand on vous lit, c'est justement de montrer ce moment un peu particulier où à la fois, entre regard orientaliste et évidemment, on l'entend du côté là, de l'orientalisme tel qu'il a été parfois critiqué par Édouard Saïd, etc., même si on peut revenir sur ses travaux. Et puis de l'autre côté, regard ethnographique, les deux sont pas si séparés que cela. L'un se nourrit de l'autre. Le regard ethnographique est évidemment marqué par tous les peintres orientalistes qui précèdent. Et on voit bien que dans cette collection de cartes postales telle que vous l'avez analysée, Christine Peltre, il y a interpénétration de ce regard de cliché, d'une certaine façon, de cliché sur la femme, en particulier orientale, et puis de la réalité sociale que croisent les photographes qui vont faire ces cartes postales. Oui, je pense. De toute façon, il s'agit de photographies, donc avec une apparence plus réaliste que la peinture. Mais ces personnages posent dans le vêtement qu'on leur a imposé, avec l'allure qu'on leur dit d'avoir, et dans un décor qui, en général, est lui aussi imposé. On voit des toiles peintes à l'arrière des décors. Donc, c'est une sorte de musée imaginaire, je dirais, ces cartes postales. De faux réalisme, d'une certaine façon. De faux réalisme. Alors, ça, c'est un peu, c'est un aspect qui est voisin, donc, de la peinture orientaliste, qui est toujours une mise en scène. Autre caractère qui fait se rejoindre la peinture et la photo, la carte postale, c'est le regard ethnocentriste, je dirais. C'est-à-dire un regard ethnocentriste qui est assez bien défini par l'un des premiers albums qui est paru au début du XVIIIe siècle, le fameux recueil Fériol, qui a dessiné tous les costumes de l'Empire ottoman et auquel je fais un écho dans le livre, et où il est dit que, bien sûr, on s'intéresse aux costumes des autres, mais on donne cependant toujours dans son estime, je cite, « la préférence à l'habit du pays où on est né » et que l'on porte actuellement. C'est clair, au moins. Perrine Kervran. Oui, d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que cette carte postale, donc, qui dit aussi beaucoup le développement du voyage, on découvre finalement que, à l'occasion des expositions universelles, c'est l'État ottoman, l'Empire aussi, qui produit des albums à destination de l'exposition universelle pour faire la promotion de son pays, comme le font tous les autres pays, de l'immensité de l'Empire, de la multiplicité des populations qui s'y trouvent et qui vivent ensemble. Il faut rappeler effectivement que l'Empire ottoman était très présent dans les expositions universelles. Et on peut rappeler celle de 1867 à Paris, où il y avait tout un quartier turc avec des édifices qui étaient construits à l'identique et puis avec le secours d'ailleurs de Français. Et celle de 1873 à Vienne aussi, par exemple. Alors, pour celle de 1873 à Vienne, il avait été composé un livre des costumes ottomans, auxquels je fais à plusieurs reprises référence, avec une série de photographies de Pascal Seba, et ce recueil qui s'appelait « Costumes populaires de la Turquie ». Ça veut donc dire que c'est toujours la même chose. Il y a le regard occidental sur ces odalisques, ces femmes de harem, ces voiles légers que l'on voit devant les visages de ces femmes, etc. Il y a ce regard occidental, mais que parfois aussi, l'Empire ottoman soi-même reprend une partie de ce regard pour pouvoir s'exposer au monde. Il y a une sorte d'aller-retour, ça n'est pas simplement une imposition d'un regard sur un pays qui subirait ce regard, Christine Peltre. Il y a de nombreux allers-retours et j'ai essayé de les évoquer dans le livre. C'est pas tout à fait un dialogue Orient-Occident, l'Occident est plus important. Mais vous avez raison de souligner cet aspect. Et on peut, dans le cadre des expositions universelles, rappeler aussi la démarche du sultan Abdulhamid qui a envoyé pour l'exposition universelle de Chicago en 1893 toute une série de photographies qui mettaient l'accent sur des aspects que l'Occident voyait moins, et en particulier la modernisation de son pays. Absolument. Modernisation qu'on voit quand même ici dans certaines cartes. Périne Carmont. Et puis ce qui est aussi frappant dans cet album, parce que voilà, c'est un livre où il y a beaucoup de ces cartes postales qu'on peut regarder, qu'on peut comparer, justement, c'est la façon dont à une époque on a mis ensemble des photos de femmes de différents pays, mais finalement les femmes au travail, la femme en activité, et pour finalement tisser alors des liens artificiels peut-être dans l'image qu'on pouvait avoir de la femme à l'époque, c'est-à-dire voilà, regardez où que l'on soit, les femmes ont les mêmes activités, elles tissent, ce sont des Pénélopes, il y a beaucoup de cartes postales de femmes en train de tisser en Orient ou en Occident. Et ça, c'est assez amusant aussi, ce regard sur le travail de la femme. Christine Peltre. Oui, et vous mettez l'accent avec ce terme tissé au propre et au figuré, vous mettez l'accent sur le développement, je dirais, des activités de couture. Il y a un petit passage, on aimerait en savoir plus d'ailleurs sur le développement des machines Singer. Et vous dites, on les retrouve, ce développement de machines Singer, ces endroits où on coud, ces ateliers de couture quasiment en pré-industriel, on les retrouve dans ces cartes postales aussi au tournant du début du XXe siècle, par exemple. Oui. Au XIXe et au XXe siècle, la femme est essentiellement associée à ces travaux, mécanisés, donc avec la Singer ou autrement avec les tapis, etc. Et j'ai cité un témoignage d'un critique d'art français des années 1860 qui met en exergue le modèle de la femme d'Orient qui ainsi témoigne assidûment des aptitudes proprement féminines. Et il tire argument de cela, donc il s'appelle Lagrange, il tire argument de cela pour dire que la femme n'est pas apte aux grandes expressions artistiques, mais que comme la femme orientale, elle doit en Occident se cantonner dans un certain domaine. C'est très étrange. Donc c'est l'un des aspects inattendus, je pense, de ce dialogue Orient-Occident. Alors, vous y évoquez évidemment Pierre Loti, Les Désenchantés, le retour aussi qu'a fait Les Désenchantés sur les femmes turques. Vous expliquez effectivement que dans un des textes que vous avez retrouvé, les femmes turques disent au contraire, on parle des Désenchantés, mais il y a plus de Désenchantées telles qu'elles sont décrites par Pierre Loti depuis que le livre est paru, parce que tout le monde le lit, et donc au bout du compte on voit bien que ça a provoqué quelque chose dans la société turque. Vous y évoquez aussi le rôle des missions de Notre-Dame de Sion, vous y évoquez la question du scoutisme à partir du moment où les jeunes turcs vont commencer à prendre le pouvoir, les uniformes à l'école, et on voit effectivement, c'est la dernière partie de ce livre, comment ces femmes à qui on n'a jamais rien demandé d'autre que de faire ce qu'on voulait qu'elles fassent, au bout du compte, on va là aussi pas tellement les consulter pour les dévoiler, les obliger à enlever leur voile, etc. Parce que la réforme kémaliste est en cours et qu'il faut enlever son voile, et vous expliquez combien c'est difficile au départ pour certaines d'entre elles. Elles refusent d'aller dans des cérémonies parce qu'elles ne veulent pas se retrouver dévoilées de force d'une certaine façon. C'est ce que vous racontez, Christine Peltre. Oui, c'est une histoire assez complexe, évidemment, ce pas n'est pas franchi du jour au lendemain. Il y a des réticences qui ont été exposées par des voyageurs et des voyageuses. Parce que ce livre se veut le reflet du regard occidental, évidemment, avec les témoignages de plusieurs écrivains, notamment. Et donc ces difficultés sont restituées. Et ce que je trouve intéressant particulièrement, c'est le témoignage des femmes occidentales qui assistent à ces transformations. Transformation qui était déjà un petit peu pressentie au XIXe siècle. Et il y a sous-jacent dans ces écrits un renvoi à leurs propres conditions. Dans les pays occidentaux. Dans les pays occidentaux. Tout n'est pas forcément magnifique dans la condition de la grande émancipation. Et c'est dit de manière très explicite. Et d'ailleurs, vous rappelez que le droit de vote a été accordé dès 1934 par la Turquie kémaliste aux femmes, ce qui attendra 10 années pour la France donc de l'époque. On va continuer toute la semaine autour de la question de l'ottomanisme, de l'Empire ottoman, avec vous, Perrine Kervan, et un documentaire en particulier que vous nous proposez demain, réalisé par Renaud Dalmar, autour d'une affaire qui a fait grand bruit. Ben oui, on va donc raconter les événements qui ont lieu au parc Gezi et autour de la place Taksim, donc à Istanbul. Et donc on est allé enregistrer là-bas des gens qui donc ont participé, ont assisté à ces événements, qui ont été déclenchés par finalement la destruction d'un parc, d'un petit parc qui est à une extrémité de la place Taksim à Istanbul, où il y avait quelques arbres. Et donc c'est la disparition de ces arbres qui a provoqué le départ de ce mouvement. et finalement un mouvement qui a pu agréger toutes les forces d'opposition au régime de Erdogan et qui a aussi permis finalement de mettre en valeur quelque chose dont on parle beaucoup ici en France, c'est la façon dont le gouvernement, l'État et Erdogan lui-même instrumentalisent l'héritage ottoman justement. Mmh. Et donc l'idée c'était de raser ce parc pour construire une caserne ottomane qui avait été détruite, une ancienne caserne du 19e siècle, de la reconstruire à l'identique. On écoute un extrait de ce documentaire qu'on écoutera demain. Ferghesi, c'est devenu un peu le symbole d'un mode de gestion de la ville qui devenait... Jean-François Pérouse. Insupportable à une partie restreinte de la population, mais une partie éclairée, une partie qui avait accès aux réseaux sociaux, qui avait accès aux réseaux internationaux. Donc, réaction contre ces transformations urbaines qui sont menées de manière peu consultative et contre ces grands projets. Donc en fait, c'est devenu le symbole d'une certaine gouvernance urbaine qui devenait insupportable, opaque, très court terme, provocatrice aussi, parce qu'il y a aussi de la provocation dans l'attitude du gouvernement. Et voilà, les choses se sont enchaînées. Donc d'abord une intervention de la police municipale, ensuite la police, en fait, etc. Et c'est devenu une affaire d'honneur de part et d'autre. Et ça a un petit peu dérapé. Bouquet turkmène, on est là sur la place Taksim à Istanbul. À notre gauche, on a l'avenue Istiklal et le monument de Atatürk, ouais, de l'indépendance. Ouais. Et est-ce que vous avez l'impression que les gens avaient conscience aussi que pour Erdogan, un des enjeux, c'était d'effacer justement toute l'image républicaine de ce quartier, mm-hmm, de ce parc? Pas tellement. Parce que tout ce qu'on pensait, c'était d'être contre la domination des centres commerciaux. Et pour nous, la caserne, ça, c'était le symbole de l'Empire ottoman, mais en même temps, c'était le symbole du néolibéralisme, c'est-à-dire des centres commerciaux qui dominent toute notre vie sociale. Et pas tellement un mouvement contre l'islam ou contre l'islamisme. Bien sûr, tout le monde avait un point commun, c'était être contre AKP. Mais être contre AKP, c'est pas exactement comme on le voit de la France. Être contre AKP, c'est aussi être contre le néolibéralisme d'AKP. Et c'est pour ça aussi, parce qu'il y avait des musulmans anticapitalistes aussi ici. Il y avait des femmes qui... des femmes voilées qui pratiquaient leur prière, leur namaz tous les jours. Et comment je peux dire, des gens de gauche, pour la première fois dans leur vie, ils se sentaient obligés de protéger leurs sœurs musulmanes pendant qu'elles faisaient leur prière pour que la police n'attaque pas. Donc c'était une sorte de solidarité contre le néolibéralisme de Erdogan. Erdogan, c'était pas uniquement islamiste. C'était islamiste libéral, si vous voulez. Et c'était ça qui nous dérangeait, en fait. Voilà donc un extrait de ce documentaire qu'on écoutera demain autour de la querelle du parc Gezi, qui sera donc le deuxième volet d'une semaine consacrée à l'Empire ottoman. Quel sera le programme de notre semaine, mercredi et jeudi? Alors au programme, donc mercredi, on va essayer de se pencher sur la façon dont toutes ces communautés aussi différentes et toutes ces confessions aussi différentes les unes des autres vivaient ensemble en harmonie ou pas. Et puis le jeudi, on va faire quelque chose peut-être d'un peu plus administratif sur la façon dont on pouvait gouverner, avec quelle structure de pouvoir un aussi grand empire. Exactement, donc l'Empire ottoman est au programme toute cette semaine dans la Fabrique de l'Histoire. Demain, le documentaire sur Gezi. Mercredi, la question de l'harmonie ou pas dans cet empire. Et puis jeudi, une question importante, gouverner l'empire. Vous savez que c'est au programme de l'agrégation, gouverner en islam. Là, en l'occurrence, on est un peu après le programme de l'agrégation, puisque ça s'arrête au XIVe siècle, donc ça n'est pas exactement dans le sujet, mais néanmoins ça peut intéresser aussi les étudiants qui prépareront l'agrégation d'histoire l'année prochaine, puisque le programme continue sur ce thème pour l'histoire médiévale. Merci Christine Peltre d'être venue nous présenter Femmes ottomanes et dames turques, un livre que vous publiez donc aux éditions Bleu Autour. La particularité, c'est qu'il a été traduit en turc, ce livre. Oui, il a été traduit en turc et à l'occasion d'une exposition organisée au lycée Notre-Dame de Sion au début du mois de mars. Il faudra rappeler un jour, enfin on le rappelle régulièrement, l'importance qu'ont eu ces institutions, soit religieuses, soit les missions laïques, dans tout cet Orient, dans l'Empire ottoman, dans les années entre 1880 et 1920 ou 1930, combien elles ont contribué, ces institutions, soit religieuses, soit laïques, à former des élites administratives, des élites à ces pays en formation dans les décombres de l'Empire ottoman, et Notre-Dame de Sion en faisait partie au premier rang, en l'occurrence. Oui, et les cartes qui ont été réalisées à leur initiative constituent un aspect, un corpus important dans le livre. Oui, dans le livre, donc, Femmes ottomanes et Dames turques, publié donc aux éditions Bleu Autour. Merci Christine Peltre d'être venue évoquer ce livre à notre micro en ouverture de notre semaine consacrée à l'histoire de l'Empire ottoman. Donc, à demain pour votre documentaire, Perrine Quimbran, et pour tout le reste de la semaine, puisque nous serons mercredi et jeudi ensemble. Même autour vendredi, de... c'est vous dire. Même vendredi, et même oui, bien vendredi. Sûr, parce que nous avons une table ronde fiction qui n'aura pas de rapport avec cette question-là, mais vous serez avec nous à cette occasion-là. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marivonne Bolivier et Aurélie Marcet. Vous pouvez retrouver donc évidemment cette émission sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. L'écouter pendant 3 ans, la télécharger pendant l'année qui suit. À la technique aujourd'hui avec nous, Dofar Guérid, à la réalisation, Renaud Dalmar. Rappelons aussi que vous pouvez écouter ou réécouter les émissions de la semaine dernière, bien entendu. Vous avez été très nombreux à réagir, en particulier à l'émission sur l'enseignement de l'histoire. Eh bien, sachez qu'elle est totalement en ligne, que si vous êtes abonné au podcast ou si vous vous abonnez au podcast de la Fabrique de l'Histoire, eh bien, vous aurez l'ensemble des tables rondes qui ont été donc enregistrées à cette occasion mercredi dernier à la Sorbonne.